chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte, pour l'amour de Dieu. Au clair de la lune, Pierrot répondit, je n'ai pas de plume, je suis dans mon lit. Va chez la voisine, je crois qu'elle y est, car dans sa cuisine, on bat le briquet. Au clair de la lune, l'aimable Lubin frappe chez la brune, elle répond soudain. Qui frappe de la sorte, il dit à son tour, ouvrez-moi la porte pour le dieu d'amour. Au clair de la lune, on n'y voit qu'un peu. On chercha la plume, on chercha le feu. En cherchant la sorte, je ne sais ce qu'on trouva, mais je sais que la porte sur eux se ferma.